j'allume la télé, on va pouvoir être informé. Sur l'attitude à adopter, sur la musique à écouter, qui vont te permettre de t'entraîner vers l'uniforme en société. Et moi je...